je tourne la tête. Elle a pris mon âme et sort sans peine. C'est comme quand un cœur ne bat plus pour vivre. On ne sent même pas quand on fait souffrir. Parti pour un autre monde, je me meurs. Je ne veux plus ressentir cette douleur. C'est quand on est trop triste à l'agonie qu'il n'existe pas de cachet pour la vie. Ensemble on pouvait tout refaire. Qui me fera voler, sinon je pars droit en enfer. Allez. Il existe bien dans ce monde un pays où la mort inonde. Sinon je mourrai endiablé de ta voix pour l'éternité. Ensemble on prend la même route et même un peu plus de déroute. J'aurai désormais tu pleures, tu tombes.